41e chapitre. Résignation. Certes, la fontenelle fut un grand coupable et un monstre de cruauté. Mais cette guerre de la Ligue dans laquelle il joua un des principaux rôles sans s'embarrasser des moyens qui devaient lui acquérir un nom, ne fit qu'exciter ses cruels instincts en irritant sans cesse la fougue de son caractère. Loin de nous la pensée de vouloir l'excuser et d'être ici son panégyriste. Mais cependant, nous croyons que le temps où il vécut eut une grande influence sur sa conduite. Peut-être que si, au lieu d'être né dans une province en proie à la guerre civile, il eût vu le jour dans un autre siècle et dans un milieu différent de celui où le sort l'avait placé, il serait devenu un grand capitaine, capable de rendre les plus grands services à sa patrie. Nourri dans les mêmes sentiments que la noblesse bretonne, il avait toujours eu en haine le protestantisme et avait vu avec peine la fusion de son pays avec la France. Aussi, comme la plupart de ses compatriotes, dans le principe il ne chercha qu'une occasion de se venger de la défaite qu'avaient essuyée les Bretons à Saint-Aubin-du-Cormier. Mais ensuite, il avait travaillé pour son propre compte et, poussé par ses rêves ambitieux, il avait foulé aux pieds les lois divines et humaines. Pendant que le prisonnier attendait la mort dans son cachot, voici ce qui s'était passé en Bretagne. Du Granec, après la perte de son père, n'avait pas voulu demeurer plus longtemps au château du Laz. Il avait bientôt décidé Clara à l'accompagner à Paris avec la vieille Ursule. Peu de jours après son arrivée dans la capitale, il apprit avec étonnement l'incarcération de la Fontenelle à la Bastille. Ce ne fut qu'une semaine après l'arrestation de celui-ci que cet événement fut connu à Coisdélan. De Romard, en faisant des recherches dans les environs pour retrouver son maître, vit à Plestin des gens qui lui dirent avoir rencontré à Morlaix la Fontenelle prisonnier et conduit par les soldats du gouverneur Coitnisan. Marie passa dans de mortelles inquiétudes les jours qui suivirent l'étrange disparition de son époux, se demandant où il pouvait être allé en sortant de Trébriand. Tantôt, elle se livrait à l'espoir que peut-être, sans la prévenir, il s'était dirigé vers le château de Beaumanoir-Héder. Tantôt, elle supposait qu'il était à Mézarnoux où, depuis longtemps, il avait formé le projet de se rendre. C'était en berçant son cœur de semblables espérances qu'elle cherchait à se consoler de cette absence qu'elle ne pouvait expliquer autrement. Ce ne fut qu'après bien des précautions et en usant de grands ménagements que de Romard se décida à lui annoncer ce qu'il avait découvert. Il faut renoncer à décrire le désespoir de la pauvre femme en cette occasion. Sa douleur fut si vive que Madame de Mézarnoux, qui se trouvait alors à Coisdélan, craignit pour sa fille les suites de cette terrible émotion. Sourde à toutes les consolations que lui prodiguait sa mère, Marie ne parut se calmer un peu qu'à l'arrivée du baron de Beaumanoir. Celui-ci, éperdu, désespéré à la nouvelle de l'affreux malheur qui venait encore de le frapper au moment où il espérait enfin vivre sans inquiétude, était accouru pour voir sa belle-sœur et pour s'entendre avec Madame de Mézarnoux sur ce qu'il y avait à faire dans une situation aussi difficile. Peu à peu, et malgré ses propres appréhensions, il parvint à apaiser les anxiétés de Marie. Mais quoi qu'il pût lui dire pour la consoler et la rassurer, elle déclara qu'elle voulait aller elle-même se jeter aux pieds du roi et implorer sa clémence. Elle ajouta que ce voyage était nécessaire, qu'elle était certaine que cette fois, les jours de son mari étaient en péril, parce que ses ennemis avaient su réunir tous leurs efforts pour le perdre. Cependant, le baron, par ses justes et sages représentations, finit par lui démontrer l'inutilité de cette démarche. « Espérez en Dieu, bonne Marie, lui dit-il, et ne désespérez pas de voir peut-être dans quelques jours la Fontenelle de retour à Coisdélan. Mais je vous en prie, renoncez à l'idée de vous rendre à Paris et fiez-vous à moi pour vous remplacer dans cette circonstance. Je sais que pour vous ni les fatigues ni les longueurs du chemin ne sont des obstacles, car vous possédez une énergie et un courage bien au-dessus de votre sexe. Cependant, j'ose me flatter que vous voudrez écouter mes avis et que vous ne partirez point. Demain donc, vous pouvez en être certaine, à la pointe du jour je me mettrai en route avec de Romard et je remplirai vos intentions. Dès mon arrivée accompagnée du maréchal de Lavardin, je me rendrai à la cour et j'implorerai la clémence royale. En un mot, je sauverai mon frère et le ramènerai dans vos bras. Remarquez bien encore, ma chère Marie, que je ne parle que dans l'hypothèse où sa situation serait aussi désespérée que vous vous l'imaginez, chose dont nous n'avons aucune certitude. Soyons donc assez sages pour ne pas nous alarmer d'avance. « Oh, merci, mon bon frère, de tout ce que vous voulez bien faire pour moi !» s'écria Marie tout émue. « Je me rends à vos paroles et renonce à mon voyage, persuadée que, bien mieux que moi, vous réussirez à toucher le cœur du roi et à lui arracher un pardon définitif. » Le lendemain de cette conversation, c'est-à-dire vers le 15 septembre, le baron, suivi de deux Romards, de Quilliec et de quelques autres serviteurs, se mit en route pour Paris. Marie et Madame de Mézarnoux, résignées, restèrent seules à Coisdélan, faisant des vœux pour que les efforts et les démarches de Beaumanoir fussent couronnés de succès.